métier, l'amour, c'est pas facile. Vous cherchez quelqu'un pour sortir? Merci, mais non. Ah oui, je sais que les filles comme vous doivent connaître des tas de mecs dans les aéroports. Écoutez, vous me faites chier, maintenant, compris?